Bonjour. Madame Le Pen, hier, a été. Finalement, elle a fait son travail, c'est-à-dire faire élire M. Macron, et elle rend tout ça plausible. En vivant dans un monde d'ultra-technologie comme le nôtre, les bureaux venaient de fermer, puis c'était déjà fini de compter, et personne ne se pose de questions, tout ça a l'air plausible. Il y a des départements d'outre-mer qui semblent avoir voté autrement que la France continentale, mais dans les faits, est-ce que c'est pas parce qu'il y a moins d'organisation à ce niveau-là par là, puis que peut-être au fond, le théâtre qu'on nous joue y est moins bien installé, tout simplement. De toute façon, maintenant que M. Macron est réélu comme prévu, vous allez vous en aller de plus en plus possiblement vers encore plus une espèce d'ambiance de guerre civile en quelque sorte. Donc, c'est pareil ici au Québec, certainement que M. Legault sera réélu, et quand bien même il ne le serait pas, nous allons nous ramasser avec Madame Anglade tôt ou tard, possiblement. Donc, nous le voyons bien que tout ça est pas. Il n'y a rien de réellement, possiblement, de démocratique là-dedans. Et puis, les policiers semblaient être sur les nerfs, comme s'ils avaient été prévenus de possibles émeutes ou des choses comme ça, au point où des gens ont été abattus, possiblement par rapport peut-être à ce qu'on pourrait appeler un malentendu, une fausse manœuvre. Et puis, finalement, les policiers peut-être ont eu peur. Nous vivons une époque où les policiers sont apeurés de plus en plus, ils sont de plus en plus nerveux, ils ont de moins en moins de sang-froid et ils sont toujours armés comme avant. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais quand même, ça peut jouer contre nous. J'ai vu la dernière vidéo de l'oiseau moqueur, puis là, je dois avouer que je suis un petit peu du côté de ceux chez qui ça fait polémique, c'est-à-dire de montrer M. Macron avec une mire sur lui, c'est peut-être un petit peu gros, dans le sens que, au lieu d'argumenter nos réactions, nous réagissons, c'est-à-dire que c'est peut-être un petit peu plus violent qu'autre chose. Après, c'est facile de diaboliser toute opposition. Quoique, c'est pas un blâme, là, j'ai trouvé ça drôle quand même. Hier, j'ai un petit peu. J'ai remarqué là, à mon live, là, après 2 heures, je suis fatigué, je me mets à dire des conneries. Je suis pas mal moins bon là, quand ça fait un bout de temps que je parle. Puis, je suis allé dire des choses qui n'ont pas de bon sens, là, comme Patrick Frémaux, qui n'est pas un Belge, mais un Français. Mais, à un moment donné, la fatigue, puis je viens que je me mêle un peu. Mais sur le fond, j'en pense pas moins. Il y en a qui ont été en colère de ce que j'osais dire des baby boomers, mais oui, mais si je blâme personne, au contraire. Mais vous savez, si on en est là aujourd'hui, il a fallu que ça commence quelque part. Quelle génération a été séduite par le déconstructionnisme des familles, de déconstruire la famille traditionnelle, la promotion de la drogue, qui est venue avec le rock'n'roll britannique, entre autres. La promotion de la drogue, l'idée que le corps n'est plus un temple, mais un moyen d'expression, qui fait qu'aujourd'hui, nous avons de jeunes artistes tatoués jusqu'au cou avec des écarteurs dans les oreilles. Ce sont les baby boomers, la clientèle de ça, et ce sont eux qui aiment ça. Vous n'avez qu'à regarder TVA, vous le verrez. Donc, après. Si chaque génération est plus tarée que la précédente, si les familles sont de moins en moins unies en tant que structure, j'entends en tant que structure, pas en tant que tradition filiale au niveau d'une mentalité liée à une tradition religieuse, mais en tant que noyau de développement, comment toutes ces choses-là sont possibles, il a fallu que ça commence quelque part. C'est dans les années 60 et 70 que cette séduction-là de destruction a commencé, il fallait qu'il y ait une polarisation dans le mental des gens pour qu'il y ait des inversions comme ça de valeurs en quelque sorte, que le bébé est jeté avec l'eau du bain sans discernement. Sans discernement. Prenez à l'époque l'incident diplomatique qu'il y avait eu avant ça dans les années 40 par rapport au film Les Enfants du Paradis qui avait été interdit au Québec, que ça avait créé un scandale, un incident diplomatique, que finalement ce film-là a été interdit jusqu'en 67. les gens comme qui représentaient la France se voyaient ça comme ça a fait un incident diplomatique. Ils considéraient ça comme une insulte à la France d'interdire ce film-là. Mais oui, mais les Canadiens français, étant minoritaires en Amérique, ne peuvent pas se permettre de se faire séduire par des choses qui font la promotion de l'adultère, où on voit Arletty pendant 3 heures flirter avec un mime. Les Canadiens français doivent leur survie à la famille, ils doivent leur survie à des valeurs qu'ils ont eues. C'est pourquoi nous sommes encore là, même si nous sommes sur le point, possiblement, à un moment donné, nous allons finir par disparaître. C'est déjà entamé, possiblement. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas respecté nos propres valeurs. Nous n'avons pas respecté nos propres valeurs. Le but, c'était pas de faire de la censure pour faire de la censure. C'était pas le contrôle pour le contrôle. C'était une question de survie en tant que peuple. Une question de survie en tant que peuple. Arletty, que les Français ont quelque part oublié de tondre à la Libération, était une personne qui prenait part à des œuvres qui allaient contre les valeurs canadiennes-françaises de survie, justement, au niveau de la famille. Après, quand est arrivée la pilule, ça a encore de plus en plus creusé, si on peut dire, ça a de plus en plus attisé la révolte, parce que là, tout d'un coup, des femmes se faisaient faire la morale comme quoi, possiblement, elles empêchaient la famille, étant donné que c'était possible par la pilule à large échelle maintenant, et puis ça a attisé la révolte de plus en plus contre la société qu'on pourrait dire, entre guillemets, traditionnelle. Mais le but, c'était simplement de continuer à avoir des familles fortes, de continuer à avoir une culture qui nous est propre et de nous développer dans cette culture-là. Mais de plus en plus, des intérêts financiers internationaux veulent que des idéologies exogènes viennent, si on peut dire, dissoudre, diluer les peuples au niveau local. Et c'est maintenant totalement diabolisé que de ne pas vouloir penser au niveau de la mentalité d'aller vers ce progrès-là. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour des raisons de ne pas être ni transphobe, ni raciste, ni xénophobe? Nous devons de disparaître sans dire un mot, d'être de plus en plus assimilés à une masse informe. Une masse informe, une humanité, au fond, qui va vers une standardisation, qui est, au fond, une standardisation de la ressource humaine sur Terre. Et ça, c'est voulu par des technocrates, des physiocrates, des gens qui veulent gérer l'être humain comme du bétail, et ça a tout été commandité, ça a tout été pensé, ça a tout été mis en place. Maintenant, quiconque a un discours quelque peu nationaliste ou quelque peu de retour à certaines valeurs pour des raisons même techniques de survie va être immédiatement vu comme rétrograde, comme réactionnaire, il va être diabolisé, il va être associé à de l'extrême droite. Et le pire, c'est que au niveau des acteurs dans la place publique, ils se laissent faire, ils se laissent diaboliser. Pourquoi Madame Le Pen est considérée comme d'extrême droite? Parce que c'est le jeu qu'elle joue sur le théâtre. Sur la scène de ce théâtre-là, ils sont pas allés. Elle aura beau vouloir avoir un programme le plus progressiste possible, le plus, au fond, qui n'est pas de droite à ce niveau-là, mais qui est simplement une droite de cohérence culturelle nationale, Mais non, elle va toujours être diabolisée. Au fond, elle va servir à faire élire Macron et à rendre ça plausible. Les gens. La grande majorité des gens voient ça comme normal, et même on peut se demander s'il n'y a pas eu aucune fraude. Au fond, peut-être qu'il y a réellement une majorité d'imbéciles qui ont voté pour Macron. C'est fort possible, vu le niveau auquel nous sommes maintenant. Mais tout ça a pris des décennies à se construire. Ça commence même, je dirais, certaines idéologies qui étaient obscures dans les années 20-30 pour finalement aboutir à tout ça, c'est devenu ce qui est dominant, c'est maintenant ce qui est dominant maintenant. Donc, est-ce que les Québécois doivent simplement disparaître, devenir de plus en plus assimilables, devenir de plus en plus dilués dans une culture multiculturelle mondialiste? Il semblerait que c'est ce qui s'en vient. Mais bien entendu, il va toujours rester des petits bastions, il va toujours rester des petits noyaux, il va toujours rester des familles unies canadienne-française qui vont préserver jusqu'à un certain point la structure mémorielle de base de ce qu'était le Québec en Amérique, de ce qu'est le Québec en Amérique, même si j'aime pas le terme québécois, qui est rien d'autre qu'un néologisme qui a servi à noyer le poisson. Est-ce que je dois rappeler que le terme canadien définissait les francophones d'Amérique sous le régime français, que c'était ça des Canadiens? Maintenant, Canadien définit des gens, que ce soit n'importe où dans le Canada, peu importe la langue qu'ils parlent. Ça peut être même quelqu'un qui parle l'hindi à Toronto, le Canadien. Maintenant, le Canadien, ça peut être un Chinois à Vancouver qui ne parle que cantonais ou mandarin. Donc, d'une certaine façon, c'est là où je suis d'une certaine façon contre les néologismes. Ça vient brouiller tout. Ça vient brouiller tout. Sommes-nous Québécois? Sommes-nous Canadiens? C'est pourquoi est-ce qu'il y a un conflit par rapport à ça? Parce que tout simplement, on a changé le sens des mots. Nous avons changé le sens des mots. Par où est-ce que ça a commencé, ça? C'est par les institutions d'enseignement, les ministères de l'Éducation. Donc, l'assimilation qui se fait tranquillement, elle continue, puis elle continue, puis elle continue. Montréal n'est plus vraiment autant qu'elle était une ville francophone. Elle devient de plus en plus une forme de ville internationale qui est à l'image du multiculturalisme, qui est, si vous voulez, un peu comme Rome a été à une certaine époque, qui avait des gens des quatre coins de l'Empire romain, des gens de diverses religions, des gens de diverses langues qui vivaient à Rome, même si c'était une société hiérarchisée avec des privilèges. N'étaient pas citoyens qu'ils voulaient, mais quand bien même, est-ce que je suis en train de faire la promotion de retour à des choses comme ça? Mais pas du tout. C'est le peuple en lui-même qui doit se défendre par lui-même, par ses propres moyens. Pour ça, il faut qu'il soit conscient des jeux qui se jouent. Donc, que Macron ait été réélu, entre guillemets réélu, cela n'est pas surprenant. La France s'en va de plus en plus vers un climat de guerre civile et vous pouvez être certain que ce qui se passe en Ukraine risque de dégénérer en dehors des frontières de l'Ukraine, trop tard. Prenez ici, moi, mon député fédéral, c'est le Bloc québécois. Il nous a envoyé un petit pamphlet dernièrement par la poste, petit pamphlet dans lequel on nous dit de donner au peuple ukrainien, alors que Justin Trudeau aide à financer de continuer cette guerre-là qui est en train qui est commanditée par les forces de l'OTAN pour s'étirer dans le temps. C'est ça qui est le drame. Le drame, il s'agirait que Zelensky capitule, que des élections soient déclenchées pour que y ait moins sauver des vies. Sauver des vies. Imaginez, l'Ukraine ne peut pas à long terme gagner cette guerre, ni à court terme. Justin Trudeau, les États-Unis, Joe Biden, en finançant l'armement à l'Ukraine, ils étirent la guerre, ils l'étirent dans le temps. Et d'un côté, nous avons Justin Trudeau qui finance cette guerre avec les forces atlantistes et la fait durer dans le temps. Et d'un autre côté, nous avons un député du Bloc québécois qui est censé faire face à être une opposition à Ottawa et défendre les intérêts des Canadiens français qui vient nous demander de faire des dons aussi, quelque part, pour que cette guerre-là dure dans le temps. Qu'est-ce qui pourrait mettre fin à cette guerre-là? C'est d'admettre que l'OTAN n'a pas respecté ses engagements. D'admettre que les Russes ont raison pour des raisons historiques et stratégiques de ne vouloir des zones tampons à leurs frontières, de faire pression sur Zelensky pour qu'il démissionne, qu'il y ait des élections de déclencher. Ça sauverait à court terme beaucoup de vies. Mais non. Il semblerait que les Américains veulent que cette guerre-là dure. Et les Canadiens aussi. Et la même chose, vous savez, le Canada, les États-Unis font partie d'un réseau qui compte l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, le Canada, les États-Unis, jusqu'à un certain point aussi, la Hollande et des forces aussi financières internationales. Donc, ce bloc-là est en train de faire perdurer cette guerre-là dans le temps, et c'est ça qui fait que ça continue, ça continue, ça va finir que il y aura eu des centaines de milliers de morts et que l'Ukraine sera totalement détruite au niveau de ses infrastructures. Et tout ça, c'est contre-productif pour tout le monde. Tout le monde y perd. Tout le monde y perdra. Donc, nos maîtres veulent quoi? Est-ce qu'ils veulent une troisième guerre mondiale? Il semblerait que oui. Il semblerait que la deuxième guerre mondiale, quelque part, il y a toujours eu des conflits quelque part, que ça n'a jamais cessé. Ça s'est perduré au niveau de la guerre froide après la chute des forces nazies en Europe et puis l'occupation par les Américains, puis le bloc de l'Est, au fond, c'est une continuité de ces conflits-là. Il semblerait que ce soit jamais, ça n'a jamais cessé. Donc, que faisons-nous? Il va falloir, au niveau local, entre autres, en tant que peuple, qu'on s'organise, que nous mettons aussi des efforts au niveau de préserver ce qui nous a construit, au fond, c'est-à-dire de toujours être solidaire, entre autres au niveau familial. Il faut à tout prix, peu importe que vous vouliez être progressiste ou pas progressif, ne cessez jamais, si vous voulez, d'avoir des valeurs fortes par rapport à la famille, qui est la base, qui est la base. Il va falloir être solidaire d'abord au niveau de créer des structures familiales solides, c'est la base. Les gens maintenant voient plus les choses de la même façon. C'est pas pour rien que les familles durent peu longtemps. Les gens voient plus à long terme. Ils font plus l'investissement d'un patrimoine. Il y a plus de mais la maison familiale. Il y a plus ça. Maintenant, nous en allons vers un monde vers lequel nous avons été dirigés par du déconstructionnisme, où il y aura plus, les familles devront vivre à loyer, dans des loyers, dans des logements. Ils n'auront plus les moyens d'avoir des maisons si ça continue. De plus en plus, c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. Il y a de plus en plus de Québécois qui veulent s'exprimer, parler uniquement en français, comme ça s'est vu avant, quand il y a eu un exode vers les États-Unis. Pourquoi? Parce que le contexte fait en sorte que c'est comme si on essaie de nous faire croire que la langue, elle vient créer un cloisonnement qui fait que ce sera toujours pire au Québec, que les Québécois seront toujours plus ignorants, plus maltraités que les autres, tout simplement parce qu'ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe au niveau international à cause de la langue. Comme si le fait que nous ayons conservé le français, que ça nous enfermait. Or, c'est totalement faux. Pas besoin d'aller vivre en anglais ailleurs. C'est là le jeu de dupes. Dans le fond, c'est nous allons vers l'assimilation telle qu'elle avait été définie par McDonald's. Et ça continue, ça continue, ça continue. Et cet internationalisme-là, au fond, va devenir de plus en plus agressif parce que ce sont les derniers soubresauts d'un empire qui est en train de tomber, c'est-à-dire les Anglo-Saxons, les Américains qui sont en train d'être en guerre. En fait, oui, nous sommes en guerre. Macron avait dit, nous sommes en guerre. Bien certainement que nous sommes en guerre. Des deux empires s'affrontent. Il y a eu la chute de l'Empire hollandais, il y a eu jusqu'à un certain point un transfert de l'Empire britannique vers les Américains, ce qu'on pourrait appeler l'Union atlantiste, et maintenant, nous vivons des derniers conflits de cet empire-là. C'est bien dommage, mais la réélection de Macron annonce du pire. Annonce du pire, le climat sera encore pire. Oui, il y aura de l'ensauvagement, c'est certain. Pourquoi? Parce que c'est pour des raisons, semble-t-il, collectives, si je peux dire, de lois techniques karmiques. Les Français se sont fait diluer dans les peuples de leurs anciennes colonies. Nous avons diabolisé le colonialisme, et puis oui, c'est un retour. Finalement, les anciens empires vont être colonisés par leurs anciennes colonies dans une dissolution. Une dissolution qui est liée à de nouveaux intérêts qui ont été mis en place parce que maintenant, ce sont des banques internationales qui n'ont ni patrie ni foi, qui commanditent ce genre de mouvement-là. Et ce sont des oligarques transnationaux qui se battent sur les terrains nationaux. La guerre en Ukraine est financée. Les Canadiens ne veulent pas entrer militairement sur le territoire, les Américains non plus, parce qu'ils savent que ça déclencherait possiblement une réaction en chaîne qui aboutirait à trop rapidement à un grand conflit. Mais le fait est que nous finançons cette guerre. Un peu comme des guerres ont été financées sans que nous intervenions. Qu'on le veuille ou pas, ça peut pas bien finir, ça. Donc, il va falloir se concentrer au niveau local, avoir des stratégies au niveau par rapport, par exemple, à la production de la nourriture, à la cohésion sociale locale. Local, c'est bien beau d'être dans une forme d'idéologie universaliste, de fraternité qui transcende les fois et les nationalités et les origines. Mais du point de vue de la logique et de l'histoire, ça ne peut pas fonctionner, tout simplement à cause de la psychologie humaine, de comment l'être humain est constitué psychologiquement. Donc, oui, nous allons vers des temps plus durs. C'est pour ça que ça me met en colère, l'idée que les années 40-50 au Québec étaient une grande noirceur. La grande noirceur, c'est maintenant. Et ça devient de plus en plus sombre. C'est maintenant la grande noirceur. Nous ne construisons plus d'hôpitaux, nous ne construisons plus d'écoles, nous les fermons. Qu'on ne me fasse pas croire que nous allons vers une époque de prospérité extraordinaire, et c'est le contraire. Nous sommes dans la noirceur maintenant. Et parce que nous avons un mental polarisé qui est encouragé, on essaie de nous faire croire que la grande noirceur, c'était dans le passé. La grande noirceur, elle est maintenant. Pas dans le passé, c'est... En tout cas, je pense que vous comprenez l'essentiel de ce que je veux dire. La prochaine décennie risque d'être difficile. Il va falloir être créatif entre nous, au niveau local, et tenir bon. Ces choses-là vont finir par tomber. Il s'agit de lois naturelles. Bonne journée.